Chapitre 26e. Lorsque Juliette revint dans le salon, personne n'aurait pu lire sur son visage pâle mais impassible qu'elle éprouvait en ce moment l'émotion la plus poignante de sa vie. Elle marchait sans regarder autour d'elle, sans savoir même qu'elle marchait. Au silence qui avait accompagné la sortie du peintre avait succédé un brouhaha, car chacun, pour échapper à son embarras, avait éprouvé le besoin de se lancer dans des conversations à bâton rompu. Seule Madame d'Alifard continuait de parler de ce qui venait de se passer, et Madame de Labranche l'écoutait en souriant, tandis que M. Descloiseaux gardait une attitude diplomatique qui lui permettait de dire qu'il blâmait ou qu'il approuvait, selon qu'il avait affaire à l'une ou à l'autre partie. « Comprend-on une insolence pareille ?» disait Madame d'Alifard. « Se permettre d'intervenir entre mon fils et moi ?» Adolphe s'était rapproché de sa femme. Il se pencha vers elle. « Tu as bien fait de donner la main à Erol, » dit-il. « Tu es une brave petite femme. Tout à l'heure, je vais parler à maman et arranger cette sotte affaire. » Pour la première fois, elle méprisa son mari. Il l'approuvait dans une chose qu'il n'avait pas osé faire lui-même. Sans lui répondre, sans le regarder, elle quitta le salon et monta à la chambre de son fils. L'enfant dormait dans son petit lit blanc. Elle se jeta à genoux et, le prenant dans ses bras, l'embrassa follement. Il s'éveilla effrayé, mais après le premier mouvement de surprise, il reconnut sa mère et, lui passant le bras autour du cou, « Je t'aime bien, » dit-il. « Bonne nuit, maman. Tiens-moi la main. » Et se tournant vers la muraille, il se rendormit. Sa main, dans laquelle il tenait celle de sa mère, se desserra peu à peu. Elle ne redescendit point au salon et, immobile sur la chaise basse où elle s'était assise, elle resta près du lit de son fils. Ce fut seulement après minuit qu'Adolphe vint la rejoindre. Il fut obligé de l'appeler à deux reprises pour l'arracher à sa méditation. « C'est pour me laisser la liberté de parler avec maman, dit-il, que tu n'es pas descendu au salon. « Je viens de lui parler, mais je n'ai rien obtenu. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Maman persiste à soutenir qu'Erol a voulu l'offenser. Comprends-tu quelque chose à cette scène étrange ?» Elle resta sans répondre, comme si elle n'avait pas entendu. « Je te demande si tu comprends ce qui a poussé maman à chercher querelle à Erol. » « Je comprends que Madame d'Alifard a voulu mettre M. Erol à la porte. » « C'est évident, mais pourquoi ?» Maman Erol avait agité 20 fois cette question sans se fâcher. Pourquoi cette rupture aujourd'hui? Sais-tu si maman a des griefs particuliers contre Erol? Que t'a dit ta mère? Demanda-t-elle sans répondre à cette interrogation. Maman dit que depuis longtemps elle était blessée de voir Erol lui faire de l'opposition dans ses sentiments les plus chers, et qu'aujourd'hui, par son attitude et ses sourires, il l'a tout à fait exaspérée. As-tu remarqué une attitude provocante chez Erol? Moi, je n'ai rien vu. « J'ai vu une grande surprise chez M. Erol. »« C'est ce que j'ai dit à maman en m'efforçant de lui faire comprendre qu'elle avait été beaucoup trop loin. »« Elle n'a rien voulu entendre. »« Et elle m'a même fort mal reçu. »« Nous avons failli nous fâcher. »« Elle m'a reproché d'avoir pris le parti d'Erol. » »« Et elle pose la question en termes tels que pendant quelque temps il nous sera impossible de le voir. »« Aussi, je suis de plus en plus satisfait que tu n'aies pas eu la même retenue que moi. »« Tu as très bien fait de tendre la main à Erol et de l'accompagner. » J'ai fait plus que cela, je lui ai dit que je le verrai aujourd'hui. C'était presque, malgré elle, que Juliette avait dit ces quelques mots. C'était une sorte de défi que l'attitude de son mari lui arrachait. Elle fut stupéfaite de l'effet qu'il produisit. « Très bien, » dit Adolphe. « Alors tu pourras expliquer la situation à Erol. Cela me tire d'embarras. J'aurais été gêné pour m'expliquer avec lui, car je n'aurais pu le faire qu'en blâmant maman et cela ne me convient pas. Même quand elle a tort, je dois la soutenir. Erol est assez intelligent et il aime assez sa mère pour ne pas m'en vouloir. Tu lui diras que ce n'est pas entre nous une rupture, mais une simple interruption de relation pendant quelque temps. Encore serais-je heureux de le voir toutes les fois que l'occasion nous fera nous rencontrer. Enfin, tu lui donneras l'assurance de mon amitié, en lui témoignant mes regrets pour ce qui arrive. » Pendant longtemps encore, il insista sur ses recommandations. Il était véritablement désolé et tout à fait malheureux de cette querelle pour lui incompréhensible. Mais Juliette n'était pas dans les dispositions où ce désespoir pouvait la toucher. Le lendemain, à 12h30, elle arrivait dans le bois au bord de la petite rivière et au bout de l'allée, elle apercevait Erol. Tous deux avaient eu la même idée. Il arrivera de bonne heure, s'était-elle dit. Elle sera sans doute en avance, avait-il pensé. En quelques secondes, ils franchirent la distance qui les séparait. Ils avaient des ailes. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux, sans parler. Leur cœur était dans leur regard, dans leurs doigts. Les pas d'un promeneur qui s'avançait en faisant craquer le sable de l'allée les ramenèrent dans la réalité. « Donne-moi ton bras, » dit-elle. Et elle se serra contre lui. L'un et l'autre, ils tremblaient. Ils prirent une longue allée droite, en ce moment déserte, et pendant assez longtemps, ils marchèrent doucement, sans échanger un seul mot. « C'est de M. Descloiseaux que vient le coup, » dit-elle enfin. « Je l'ai compris. Et voilà pourquoi je n'ai pas tenu tête à Mme Daliphard. J'étais condamné d'avance. Ce que j'aurais tenté pour ma défense n'aurait pu que vous compromettre. Votre regard, par bonheur, s'est trouvé à d'accord avec ma propre pensée. Je suis sorti. Dignement, j'étais fier de vous. Et maintenant ? Cette double interrogation, qui était partie en même temps, les rendit silencieux. Ni l'un ni l'autre n'avait une réponse rassurante à faire. C'était leur avenir qu'ils devaient décider, leur amour qu'ils devaient assurer ou sacrifier. « Il est certain, » dit-il après quelques minutes d'attente, « que vous êtes menacé d'un danger sérieux. Les soupçons de votre belle-mère ont été excités, et tous les moyens lui seront bons pour vous protéger. »« Me protéger ?» interrompit Juliette avec un triste sourire. « Que voulez-vous dire ?»« Rien. Continuez. Je pense à l'avenir, et en ce moment c'est du présent qu'il s'agit, de demain. » Si cruelle que soit pour moi l'intervention de Mme Daliphard, je ne peux pas ne pas reconnaître qu'elle est légitime. C'est pour cela qu'hier j'ai courbé la tête. Cette scène, ridicule et grossière pour tout le monde, ne l'était pas pour moi. Votre belle-mère poursuivait un but, et elle prenait les moyens qu'elle trouvait pour me mettre à la porte, sans exciter la jalousie de son fils. Me voici hors de chez elle, sans espérance de reprendre nos relations journalières brusquement rompues. Nous ne pouvons donc plus nous voir chez vous, c'est-à-dire chez votre belle-mère. Nous nous verrons ailleurs, ici, dans ce bois, n'importe où, car je ne consentirai jamais à ne plus vous voir. Ici, et croyez-vous que nous serons libres comme nous l'avons été jusqu'à présent? On s'étonnera de vos sorties, on remarquera nos rencontres, et alors ce sera une nouvelle lutte à soutenir. Seulement, cette fois, ce sera à vous qu'on s'attaquera, puisqu'on ne pourra pas s'en prendre à moi. Que ferez-vous si un jour votre mari vous reproche nos rendez-vous? Mon mari sait que je suis en ce moment avec vous. Vous lui avez dit que je devais vous voir aujourd'hui. Ces entrevues que votre mari peut admettre pour une fois l'inquiéteraient si elles se répétaient. Nous ne devons donc pas nous voir ici. Mais alors ? Il s'arrêta, et la prenant par les deux mains, de telle sorte qu'elle se trouva en face de lui, sous le feu de son regard, « Alors il faut nous voir ailleurs. » « Car si je suis prêt à faire tout pour assurer ton repos, chère Juliette, il y a une chose qui serait au-dessus de mes forces, ce serait de ne plus te voir. Il faut que j'aie tes yeux, comme je les ai en ce moment, frémissant sous les miens. Il faut que j'aie tes mains dans les miennes. Il faut que, quand je suis loin de toi, je retrouve en moi ton étreinte, comme un parfum dont je me serais imprégné en t'approchant, et que j'emporte. Nous voir ici dans ces conditions est impossible. » Il faut donc nous voir ailleurs, à Paris, dans la solitude. Mais ce que tu me demandes là, c'est ma perte, c'est celle de mon enfant. Elle se défendit obstinément. Pendant plusieurs heures, ils se promenèrent dans cette partie du bois qui est comprise entre la Faisanderie et le lac des Minimes. Elle priait, mais à sa prière, il répondait par une autre prière. Elle entassait les raisons pour lui démontrer l'impossibilité d'accorder ce qu'il voulait, mais elle lui répondait par des raisons meilleures. Mieux que ses paroles d'ailleurs, ses regards émus, ses mains tremblantes parlaient pour lui. Que pouvait-elle contre un amour qu'elle partageait? Enveloppée, fascinée, elle finit par céder, et elle le laissa dire qu'il se verrait à Paris plus tard. Où? Il n'en savait rien, mais il chercherait, et quand il aurait réuni toutes les conditions de sécurité, il l'avertirait. En attendant, il se verrait dans ce bois, une fois encore, la dernière, le samedi suivant.